Te jure, en Corée du Sud, la direction du Mouvement national pour la réforme des écoles privées et l'élimination des fraudes a publié le 23 courant une déclaration exigeant de la bande de Park Geun-hye de ne plus commettre les crimes dans l'histoire pendant le reste de son mandat. Par ailleurs, selon le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, le Conseil de mesure du problème des volontaires a condamné le 21 le servilisme pro-japonais des autorités sud-coréennes.